بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إن شاء الله تعالى في دروس التفسير وفي قراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ووصلنا معكم إلى سورة النازعات. فأولا من يقرأ علينا سورة النازعات من يحفظها ويسمعنا إياها. يلا بسم الله. pas toute complète. tu vas jure que je t'arrêterai quand il faudra. après ça sera de Karim. والناشطات نشطا السابحات سبحا السابقات سبقا فالملقيات ذكرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة حسبك سوف من تركوني تركوني الشيخ لا لا هل أتاك حديث موسى بدي؟ هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى نفس الكلام وأهديك إلى ربك على خطأ وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى هناك ملاحظة إذا قرأنا يعني في المصحف المعروف بقراءة حفص عن عاصم كلمة أنا نقول أنا ليست أنا يعني مثلا هنا فقال أنا ربكم مشي أنا ربكم يعني ربما في قراءة أخرى نمد الألف والله أعلم لكن في هذه القراءة لا نقول فقال أنا ربكم الأعلى مشي أنا ربكم أنا لذلك يعني في المصحف يشيرون إلى هذا بما يشبه السكون فوق الألف يعني أسجد الألف يمت un genre de soukoun pour attirer notre attention sur ça. On n'allonge pas ana, on dit ana. Le mot ana, c'est-à-dire je ou moi, dans le Coran, quand on lit dans cette lecture-là, hafs, on dit ana, on le raccourcit. Tu as fini avec l'histoire de Moussa, je crois. A antum ashaddu khalqan am as-sama, l'akh. Akh. Yani astahi min as'al al-shaykh yaqra. Vas-y, directeur. Salim. خلاص. الشيخ. إذا أنهي القراءة إن شاء الله بنفسي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حتى هنا فيه سؤال، هل نقول صدق الله العظيم؟ يعني هذا كلام الناس تعودوا عليه، لكن في الحقيقة لو رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته رضي الله عنهم لا نجد هذا الكلام، يعني أنهم إذا انتهوا من القراءة يقولون صدق الله العظيم. إنما نجد في حديث عبد الله بن مسعود لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ من يعني بعض آيات سورة النساء، لما أراد أن ينتهي ماذا قال؟ حسبك، يعني خلاص انتهيت يكفي، يعني ما قال صدق الله العظيم. يعني لكن هل نقول بدعة؟ يعني الشيخ عبد العزيز بن باز له كلام جميل في هذا الموضوع، يعني فتوى فيما فهمت أنا من هذه الفتوى وفيما أذكر لا يصل إلى أن يقول بالبدعة، يعني لكن الأحسن نجتنب هذا الكلام لأنني كوننا نتعود عليه كأننا ندخله في الدين مع أنه ليس من الدين. Donc il y a une question ici aussi quand on finit de lire la sourate. Beaucoup de gens ils disent, même dans les grands qurra, ils disent Sadaq Allahul Azim. C'est-à-dire c'est une habitude que les gens ils ont pris. Mais si on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou au athar des compagnons du prophète radiallahu anhu, on trouve pas qu'ils disaient Sadaq Allahul Azim. La seule chose par exemple qu'on trouve, au contraire, on trouve qu'ils l'ont pas dit, puisque comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé de lire des versets de Sourate An-Nisa. Et quand il a voulu qu'il s'arrête, il lui a dit « Hasbouk », c'est-à-dire « ça suffit ». Donc le muhim, cette parole, on ne la trouve pas. Maintenant, est-ce qu'on va jusqu'à dire que c'est une bid'a? Donc de ce que j'ai retenu d'une fatwa de Cheikh Abdelaziz Nubaz, rahimahullah ta'ala, il dit « on ne va pas jusqu'à dire que c'est une bid'a, mais quand même le mieux c'est de l'éviter, parce que ça ne fait pas partie de la religion. Le fait qu'on s'habitue à le faire, ça, on le rentre dans la religion, ça peut atteindre le ça peut rentrer dans la bid'a. مهم نحن ندخل في تفسير هذه الآيات. يقول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، أي يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا قَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذه الإقسامات بالملائكة الكرام، يعني هذا قسم، والنازعات يعني كأن الله قال أقسموا بالنازعات، كما نحن عندما نقول والله، فالله عز وجل يقول والنازعات، يعني الله عز وجل يحلف يقسم بخلقه. لكن هل يجوز لنا أن نقسم بغير الله عز وجل؟ هذا لا يجوز، بل هو من الشرك، كما جاء في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذه الإقسامات بالملائكة الكرام، يعني هؤلاء النازعات غرقاء والناشطات نشطاء، هؤلاء الملائكة وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره، ويحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، يعني المقسم به ما يتبع كلمة هو والنازعات، النازعات يعني هي المقسم به والمقسم عليه، يعني مثلا أنت تقول والله ثم تقول كلام، مثلا والله سوف أسافر إلى بلاد كذا وكذا، يعني كونك سوف تسافر هذا مقسم عليه، يعني أقسمت على هذا الشيء. فما المقسم عليه هنا؟ يقول الشيخ رحمه الله: يحتمل أن يكون المقسم عليه هو نفس المقسم به، يعني الملائكة، أن الله أقسم بالملائكة عليهم، يعني ليدلنا على أهميتهم وأنه يجب علينا أن نعتقد وجود الملائكة ووظائفهم المختلفة. ويحتمل أن يكون المقسم عليه هو الجزاء، يعني الحياة الأخرى، الجزاء بعد البعث، يعني يوم القيامة، لأنه عز وجل أتى بعد هذا الإقسام بآيات في موضوع الآخرة والجزاء والدين، يعني الدين يعني بمعنى الجزاء والحساب، وأنه أقسم بالملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده، يعني حتى في هذا الإقسام هناك إشارة إلى الجزاء، لأنه قال والنازعات غرقا، يعني التي تنزع أرواح بني آدم، والناشطات نشطا. دوك الشيخ دي دوك والنازعات غرقا، c'est-à-dire ça c'est un serment, Allah a juré. النازعات c'est-à-dire celles qui enlèvent. Et après il a dit والناشطات نشطا. Il a rejuré par celles qui enlèvent. Après il a dit والسابحات سبحا. C'est-à-dire je jure par celles qui flottent. والسابقات سبقا. Et qui devancent. Elles sont avant les autres. فالمدبرات أمرا. Et qui gèrent les ordres. Après Allah a dit donc sur quoi il a juré. Après il dit le jour où elle tremblera. C'est-à-dire viendra le tremblement qui sera suivi d'un deuxième. Alors les cœurs seront troublés et les regards seront craintifs. Ils disent, est-ce qu'on va être retourné à la vie présente alors que nous serons des os dispersés? Voilà un retour qui serait une perte. Et ce ne sera qu'une seule sommation et ils reviendront sur la terre plate. Donc ça c'est la traduction des versets. Et au début, Cheikh dit, en fait ici, النازعات غرقا الناشطات نشطا السابقات أمرا، tout ça ça parle des anges, c'est des qualificatifs des anges, et Allah a juré par les anges parce qu'il y a le wa, c'est-à-dire qu'Allah jure par les anges et par ce qu'ils font. Ça nous montre que ces anges ils sont soumis à Allah Azza wa Jal et ils s'empressent à appliquer ce qu'Allah leur dit de faire. Après il a dit par contre quelle est la chose sur laquelle Allah a juré. Parce que ce par quoi il a juré, ce sont les anges. Mais sur quoi il a juré? Il dit, il est possible que ce soit le jour du jugement. C'est-à-dire la vie future et la récompense ou le châtiment. Puisque après le serment, dans les versets, il y a des versets directement sur le jour du jugement. Ou alors il est possible qu'il ait juré sur les anges. C'est-à-dire il est juré par les anges, sur les anges. Pour montrer leur importance et parce que le fait de croire aux anges, c'est un des six piliers de l'Iman. C'est-à-dire c'est un des six points de la foi islamique. Et aussi parce que quand il nous rappelle leurs actes, Allah Azza wa Jal, quand il nous parle des actes des anges, ça nous rappelle justement la récompense. Puisque les anges, c'est eux qui font mourir la personne et après, il y a la récompense ou le châtiment. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الَّتِي تَنْزِعُ الْأَرْوَاحَ بِقُوَّةِ وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. من هناك يعني صراحة أنا ما فهمت بعض هذا الكلام، يعني كلمة غرق أشكلت علي، ويعني هنا عندما يقول الشيخ وتغرق في نزعها أنا ما فهمت هذا الكلام. إذن أنا أتكلم عن البداية، يعني وهم الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم، هذا هو الذي أتكلم عليه، يعني النازعات التي تنزع، وهم الملائكة طبعا التي تنزع أرواح بني آدم عند الموت. Donc il a dit le premier verset والنازعات غرقا. Donc je jure par النازعات. النازعات ça vient de نازعات، c'est-à-dire enlever quelque chose, tirer quelque chose. Donc النازعات c'est celle qui tire les âmes, comme il le dit Cheikh ici, qui tire les âmes des êtres humains lors de la mort. Mais après il a dit une parole, juste un seul mot qui est par rapport au verbe au mot gharqa que j'ai pas comprise. Parce que moi ce que je connais c'est que gharqa c'est se noyer et j'ai pas trouvé d'autre signification. Bon, faut dire j'ai pas non plus cherché énormément, mais dans ce que je connais gharqa c'est se noyer. Donc là il dit elles font tagharuq quand elles enlèvent l'âme jusqu'à ce que cette âme après elle soit jugée. Donc je peux pas expliquer cette parole, j'arrive pas à la traduire. En tout cas, on comprend qu'Allah jure par les anges quand ils enlèvent l'âme des êtres humains. C'est ça le nazi'at. Donc là, il dit c'est aussi dans le sens où elles enlèvent les âmes des êtres humains avec force. Donc Allah jure par les anges quand ils enlèvent les âmes des êtres humains avec force, c'est-à-dire avec nashat, d'où wa nashitat. Et il dit aussi, ou alors ça veut dire que, on peut dire que an-naz', le premier verset, ça parle des croyants, quand les anges enlèvent les âmes des croyants, et le deuxième, wa nashitat, c'est quand ils enlèvent les âmes des mécréants. Puisque comme il est rapporté dans la sunna, dans le hadith qui parle de, le long hadith qui parle de la mort, on sait que la façon dont les anges enlèvent l'âme du musulman et du non-musulman, il y a une grande différence. C'est-à-dire que l'âme du musulman, elle sort avec douceur, alors que l'âme du non-musulman, elle sort avec difficulté, il l'arrache. Donc c'est ça qui est sirdi, c'est ça qui peut être voulu dans ces deux versets-là. وَالسَّابِحَاتْ أَيْ أَلْمُتَرَدِّدَاتِ فِي الْهَوَاءِ صُعُودًا وَنُزُولًا يعني أن الملائكة تنزل وتسعد. والسابحات سبحة فالسابقات يعني لغيرها سبقا فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تسترقه. Donc après les deux versets d'après والسابحات سبحة, c'est-à-dire celles entre guillemets qui flottent, qui voguent, c'est-à-dire les anges qui voguent, qui vont et qui viennent dans le ciel, elles montent et ils descendent. فالسابقات سبقا, et celles qui devancent. سابقات ça veut dire elles vont avant les autres, c'est-à-dire elles devancent à l'ordre d'Allah Azza wa Jal pour appliquer les ordres, et aussi elles devancent les shayatin quand elles transmettent la révélation au messager d'Allah, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elles devancent les shayatin dans cette transmission avant que les shayatin puissent écouter cette révélation. فالمدبرات امرا يعني أن الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. Et pour le dernier qualificatif, فالمدبرات أمرا. تدبير, c'est le fait de gérer quelque chose. Donc Allah il a qualifié les anges comme quoi تدبير. Et donc le shir dit parce que les anges, Allah leur confie la gérance de beaucoup de choses dans le monde supérieur, c'est-à-dire des cieux, et dans le monde inférieur, c'est-à-dire le monde terrestre. Donc par exemple comme la pluie, ou les végétaux, ou les arbres, ou les vents, ou les mers, ou les jardins, les animaux, et aussi le paradis et l'enfer. C'est-à-dire que ces anges, ils obéissent à Allah, et Allah leur a donné la force d'accomplir certaines choses en ce qui concerne toute la nature qu'Allah a créée. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةَ الرَّاجِفَةَ وَهِيَ قِيَامُ السَّاعَةَ Donc il dit le jour où il y aura le tremblement, c'est-à-dire ça c'est au jour du jugement. Tadba'uha ar-radifa, et qui sera suivi par la deuxième, c'est-à-dire le deuxième tremblement. Ay ar-rajfatul ukhra allati tardifuha wa ta'ti tilwaha, c'est-à-dire que il sera soufflé dans la trompe deux fois, comme vous le savez à partir des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sera soufflé dans la trompe deux fois, et donc ces deux fois là ça sera un tremblement et un effroi. Qulubun yawma'idhin wajifa ay mujifatun wa munza'ijatun wa munza'ijatun min shiddati ma tara wa tasma'. Et après il a dit des cœurs ce jour là seront wajifa. Wajifa c'est à dire elles seront déstabilisées, elles seront troublées à cause de ce qu'elles voient ce jour là et de ce qu'elles entendent. Absaruha khashi'a, et leurs regards seront khashi'a, c'est à dire craintifs. Ay dhalilatun haqira, c'est à dire leurs regards seront humiliés et humbles. Qad malaka qulubuhum al khawf wa adhala afidatahum al faza' wa ghalaba alayhim al ta'assuf wa istawlat alayhim al hasra, c'est à dire que leurs cœurs ils seront remplis de peur, et leurs cœurs ils seront complètement déstabilisés par la peur et par l'effroi du jour du jugement, et aussi le regret il va les prendre, c'est à dire le regret il va être sur eux, il va les dominer entre guillemets. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب أئنا لمردودون في الحافرة يعني في القبور أو يعني في الحياة الحاضرة. Donc ils disent est-ce qu'on va être renvoyé à la vie présente, c'est-à-dire comme maintenant, c'est-à-dire à la vie. أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتة. Est-ce qu'après qu'on aurait été des eaux pourries et dispersées, c'est-à-dire des eaux qui sont en train de se désagréger et qui sont dispersées, donc c'est-à-dire ceux qui ont mécru, les mécréants disent, comment est-ce qu'on pourrait revenir après qu'on soit des eaux dispersées, on sera de la poussière. قَالُوا تِلْكَ إِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤا عليه. Donc ils disent ça serait un retour khasira, c'est-à-dire si on revenait ça serait une grande perte. Donc en fait ils disent ça comme le cheikh dit ici, ils conçoivent pas, c'est loin de leur esprit le fait qu'Allah va les ramener. Pourquoi ? Parce que justement, ils ignorent la capacité d'Allah Azzawajal et aussi tajarru'an, c'est-à-dire par audace envers Allah. Ils n'ont pas peur d'Allah et ils osent prononcer cette parole et dire que yani, c'est loin de leur esprit de concevoir qu'on va être envoyé à la vie présente. قَالَ اللَّهُ فِي بَيَانِ سُهُولَةِ هَذَا الْأَمْرِ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا هِيَ سَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ يُنْفَخُ فِيهَا فِي الصُّورِ فَإِذَا الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ بالساهرة فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض قيام ينظرون فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. Donc après Allah répond, après qu'il ait dit cette parole des mécréants, c'est-à-dire qui s'étonne du fait qu'Allah nous renverrait, il s'étonne dans le sens où il n'y croit pas bien sûr, et ils essaient de faire croire que c'est une parole qui est un peu insensée, Allah dit tout de suite pour montrer que c'est facile pour lui de les faire revivre. Il a dit ce sera qu'une seule sommation, zajaratun, c'est-à-dire comme une sommation, un avertissement, etc. Ça sera qu'une seule sommation et ils seront tous bisahira. Sahira, c'est-à-dire la terre qui sera aplatie. Parce que sahira, c'est un sol plat et lisse. Et on sait que la terre, au jour du jugement, elle sera autre que la terre qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire Allah la créera d'une autre image. Elle sera plate et assez grande pour contenir tous les êtres humains qui seront ressuscités. ثم قال تعالى هل أتاك حديث موسى يعني الآيات في قصة موسى فيقول الشيخ يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه. Donc Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'histoire de Moussa t'est venue? C'est-à-dire, il parle de quelque chose qui est bel et bien arrivé, et quelque chose de grand, un grand événement. أي هل أتاك حديثهم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختصه بالوحي والاجتباء فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. Donc après, il dit, est-ce que l'histoire de Moussa t'est venue quand son Seigneur l'a appelé dans la vallée sanctifiée de Touwa? Et il dit, donc c'est cette vallée où Allah a parlé à Moussa. Donc où Moussa alayhi salatu wassalam a bel et bien entendu Allah azza wa jalla lui parler de sa voix. Et il l'a nommé Rasoul, c'est-à-dire il l'a comblé du message et d'être un messager. فقال له اذهب الى فرعون انه طغى اي فنهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر او يخشى. Donc à ce moment-là, dans cette vallée, justement, Allah a dit à Moussa, pars, comme c'est dans cette sourate, pars vers Pharaon, car il a transgressé. Innahu tara, c'est-à-dire il a transgressé. C'est-à-dire interdis-lui cette transgression et son polythéisme qu'il pratique et sa désobéissance envers Allah, mais avec une parole douce, afin que, donc la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, afin que il se rappelle et qu'il craigne. Donc d'où il a tiré que Allah lui a dit de Moussa lui parlait doucement, c'est dans l'autre verset. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Donc dans un autre verset, Allah a montré que quand il a envoyé Moussa et Haroun à Pharaon, il leur a dit, dites-lui une parole layyin, c'est-à-dire parlez-lui doucement et gentiment, afin qu'il revienne. Ça nous montre aussi, c'est une parenthèse aussi, que pour que la personne elle revienne, le moyen le meilleur c'est la hikma et la gentillesse et la douceur dans la façon de se comporter. فقل يعني له هل لك إلى أن تزكى أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. Après il lui a dit, فقل هل لك إلى أن تزكى, c'est-à-dire dis-lui, est-ce que ça te dirait de te purifier, c'est-à-dire est-ce que tu veux avoir une qualité qui est louée, c'est-à-dire avoir être d'un comportement louable et d'une qualité qui est louable, qui est de te purifier du polythéisme et de la transgression pour revenir à la foi et aux bonnes actions. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى. Et il lui a dit, وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى, c'est-à-dire, et je te guiderai à ton Dieu et tu craindras, c'est-à-dire je vais te montrer les choses qui satisfont Allah subhanahu wa ta'ala et les choses qui le mettent en colère pour que tu empruntes le bon chemin. فَتَخْشَى, c'est-à-dire une fois que je t'aurai montré, tu seras droit, tu craindras Allah après que tu aies connu le chemin droit. Mais Pharaon, comme c'est connu, il n'a pas voulu suivre ce à quoi l'a appelé Moussa alayhi salam. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, donc ça c'est-à-dire il lui a montré le grand signe. أي جِنْسَ الْآيَةِ الْكُبْرَى فَلَا يُنَافِي تَعَدُّدُهَا. Donc quand il a dit ici, c'est au singulier, il lui a montré le grand signe, c'est-à-dire quand on parle en arabe, on peut employer un singulier qui veut dire un genre. Donc c'est-à-dire il lui a montré des grands signes. Le fait qu'il le mette au singulier, c'est pour montrer que tous les signes qu'il lui a montrés, c'était des grands signes. Donc il lui a montré, bien sûr, plusieurs grands signes. كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Comme il l'a cité dans un autre verset, quand il a dit, il a jeté son bâton et c'est devenu un serpent évident. Pourquoi Mubin? Parce que les sorciers aussi, quand ils jetaient leur serpent, c'était un sorcier. Mais pas Mubin. C'était seulement dans leur esprit. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَ تَسَعَ. C'est-à-dire, leur sorcellerie faisait imaginer à Moussa que les serpents bougeaient. Mais en vérité, les bâtons, ils n'ont jamais bougé. Et ils n'ont jamais été transformés par les sorciers. C'est une illusion. Alors que Moussa, il est venu, quand il a jeté le bâton, il s'est réellement transformé en serpent. C'est pour ça que c'était un miracle. Et après, il a enlevé sa main, qui est devenue blanche pour ceux qui regardaient. C'est-à-dire, il a sorti sa main, il leur a montré, et elle les illuminait. فَكَذَّبَ وَعَصَى يعني كذب بالحق وعصى الأمر ثم أدبر يسعى أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته فحشر يعني جنودهم أي جمعهم فنادى فقال يعني لهم أنا ربكم الأعلى يعني فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي صارت عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارك الملك الأعلى عاقبه في الدنيا والآخرة أما من ترحلت خشية الله في قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. Donc là il a donné l'explication des versets à propos de Moussa et Pharaon. Donc il lui a montré le grand signe. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Donc il a démenti, c'est-à-dire il n'a pas voulu croire, وَعَصَى, et il a désobéi à l'ordre de Moussa. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. Ensuite il est parti sans presser, il s'empresse. C'est-à-dire, il s'empresse de combattre la vérité. Fahashara, c'est-à-dire, il a réuni son armée contre Moussa pour combattre la vérité. Fanada, et il les a appelés, c'est-à-dire, il leur a tenu un discours. Faqala ana rabbukum a'la. Et il a dit donc à son peuple, c'est moi votre Dieu, al-a'la. Al-a'la, c'est-à-dire le plus haut. Donc, et ils l'ont suivi dans ça. Et ils ont cru à cette fausseté qu'il a prétendue. Alors Allah l'a pris du châtiment de l'au-delà et d'ici-bas. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Donc ça, telle a été sa conclusion. Donc c'est-à-dire que, après Allah dit, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Et là-dedans, il y a une leçon pour celui qui craint. C'est-à-dire, ce châtiment qu'a subi Fir'aun, c'est une leçon pour celui qui craint Allah Azza wa Jal. Parce que ceux qui craignent Allah, c'est les seuls qui profitent des signes, quand on dit des signes, c'est-à-dire les signes religieux, la révélation, et les signes dans la création d'Allah. Et c'est les seuls qui profitent des leçons, al-ibar, qui prennent des leçons. Donc celui qui voit, qui craint Allah et qui réfléchit, quand il voit le châtiment de Pharaon, il sait que toute personne qui s'enorgueillit vis-à-vis d'Allah et qui désobéit vis-à-vis de Al-Malik, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le prend et le châtie. Ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui a plus de crainte dans son cœur, eh ben celui-là, yani, il va se détourner, même si tous les signes lui venaient. Donc c'est-à-dire que cette histoire de Moussa et de Pharaon, c'est un signe pour ceux qui croient, puisque ceux qui croient, ils vont en profiter, ceux qui craignent Allah. Quel est ce signe? C'est que celui qui se désobéit, et Pharaon, c'était le plus grand, c'est-à-dire c'était un chef sur terre, quelqu'un d'obéi. Et quand il dit tuer leurs enfants, l'armée elle tue les enfants de Banu Israël qui étaient sur l'islam en suivant Moussa alayhi salatu wassalam. Et malgré ça, comme il s'est enorgueilli, Allah l'a pris ici-bas avant l'au-delà. Ici-bas quand il l'a noyé, lui et son armée, et ensuite dans l'au-delà. Et comme Allah a dit, An-naru yu'araduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. C'est-à-dire ils sont exposés au feu, les Pharaon et ceux qui l'ont suivi, le matin et le soir, c'est-à-dire actuellement, dans Al-Barzakh, dans le monde intermédiaire. Ensuite, donc, dans la sourate, il passe à autre chose. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا. يعني يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعد إعادة الله للأجساد. Donc ici, ça c'est des versets qui sont destinés à ceux qui renient qu'Allah va remettre les corps à leur place, c'est-à-dire qu'il va les ressusciter. Et qui n'arrive pas à concevoir ça. أَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْبَشَرُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ ذَاتَ الْجُرْمِ الْجَرْمِ الْعَظِيمِ وَالْخَلْقِ الْقَوِيِّ وَالْإِرْتِفَاعِ الْبَاهِرِ. Donc il dit, est-ce que vous êtes plus difficile à créer ou le ciel? C'est-à-dire le ciel, c'est quelque chose d'immense et de solide. Donc c'est comme s'il leur disait, vous n'êtes pas plus dur à créer si je veux vous recréer que le ciel. Celui qui a créé ce ciel immense, il peut facilement vous faire revenir. بناها الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها. Donc Allah banaha, c'est-à-dire il l'a construit ce ciel, et رفع سمكها فرفع سمكها فسواها. Donc il l'a élevé, la voûte du ciel elle est élevée. فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب. فسواها سوا, c'est-à-dire il l'a perfectionner, l'a bien fait. C'est comme par exemple quand tu dis Usawi libesi, tu le mets bien. Ou alors tu fais quelque chose Usawi, c'est-à-dire tu le fais dans les comme il doit être fait, avec les bonnes formes, les bonnes distances, etc. Donc Fasawa, c'est-à-dire il l'a fait parfaitement d'une façon qui étonne les esprits des êtres humains. وأعطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض. Donc il a dit, il a assombri sa nuit, c'est-à-dire Allah a mis le ténèbre dans la nuit du ciel, et ce ténèbre, cette nuit, elle rend noir le ciel. وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فامتد الناس في مصالح دينهم ودنياهم. Donc, et aussi wa akhraja duhaha, et il a fait sortir son matin, le matin du ciel, c'est-à-dire la lumière. Donc Allah avec ce ciel, il l'a mis la nuit noire assombrie, et aussi il a mis ce ciel qui l'illumine, et pour que les êtres humains puissent en profiter. Wal arda ba'da dhalika dahaha ay ba'da khalqi as-sama dahaha ay awda'a fiha manafi'aha. Et ensuite la terre dahaha, c'est-à-dire après le ciel, il a préparé cette terre, il a mis dedans tout ce qui est utile pour les créatures. وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. Donc quand il a dit dahaha, les versets d'après ils expliquent ce que c'est dahaha, c'est-à-dire le fait qu'il y ait mis les choses bénéfiques. Donc il a dit أخرج منها ماءها ومرعاها. Il en a fait sortir de la terre l'eau et le mar'a. Mar'a, c'est-à-dire les endroits où les animaux, ils peuvent, les végétaux qui peuvent manger. Waljibala arsaha, et les montagnes, il les a ancrées dans la terre. Ay thabbataha fil ard. Fadahayu al-ard ba'da khalqi as-sama' kama huwa nass hadhihi al-ayat al-karima. Donc il dit, ça montre que le fait qu'Allah ait mis dans la terre et en effet sortir tout ce qui est utile pour les êtres humains et les animaux et la création, c'était après la création des cieux. Mais quant au fait qu'Allah ait créé la terre, ça c'était avant le fait qu'il ait créé les cieux. فَقَالَ تَعَالَى قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ إِلَى أَنْ قَالْ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يعني الشيخ هنا il a ramené d'autres versets pour dire que Allah عز وجل a d'abord créé la terre, comme il a dit en deux jours dans une autre sourate, et il a dit, et ensuite il s'est, c'est-à-dire استوى إلى السماء وهي دخان, alors que le ciel était une fumée. Et il lui a dit ainsi qu'à la terre, venez, que ce soit de force ou de plein gré. Et la terre et les cieux ont dit, nous venons de plein gré. Donc c'est-à-dire, le shir, il a ramené ces versets ici pour nous dire que la création de la terre, c'était avant la création des cieux et la mise en place des cieux tels qu'on les voit aujourd'hui. Mais la préparation, c'est-à-dire le fait d'avoir mis dans la terre tout ce qui est utile pour la création, ça c'était après la création des cieux. Wallahu a'lam. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الكثيفة الغبراء وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لابد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم على أعمالهم فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه ولهذا ذكر بعد هذا القيام بالجزاء. Donc c'est comme s'il nous disait Allah Azza wa Jal, celui qui a créé ces cieux immenses et tout ce qu'il y a dedans, comme lumière et comme corps, c'est-à-dire notamment les astres, et cette terre, donc, et tout ce qu'il y a dedans, qui est essentiel à l'utilité de la création, forcément il va reproduire la création de ceux qui étaient mukallafin, c'est-à-dire qui étaient responsables. Mukallaf, c'est celui qui doit répondre aux ordres et aux interdits, pour les récompenser vis-à-vis de leurs actes. Donc celui qui a fait le bien, il retrouvera le husna, la meilleure récompense. Et celui qui a fait le mal, il ne doit blâmer que sa propre personne. Donc c'est pour ça, dans les versets d'après, il a parlé de la récompense. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّمَّةُ الْكُبْرَى أي إِذَا جَاءَتِ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى. Donc il a dit quand viendra la grande catastrophe, un malheur, une grande catastrophe. La plus grande catastrophe, c'est-à-dire c'est la grande résurrection. وشدت العظمى التي يهون عندها كل شدة فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه. Donc quand viendra cette grande difficulté, cette grande catastrophe qui est la résurrection, et à côté de laquelle toute difficulté est facile, alors à ce moment-là le père il se détournera de son enfant et l'ami se détournera de son ami et toute personne qui aimait l'autre se détournera d'elle, c'est-à-dire il y aura, les gens se détourneront les uns des autres à cause de la difficulté de ce jour-là. C'est pour ça qu'il a dit at-tammatul kubra. يتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته. Donc quand il dit يوم يتذكر الإنسان ما سعى, c'est-à-dire le jour où l'être humain se rappellera de ce qu'il a fait, c'est-à-dire de ce qu'il a fait comme bien et comme mal, et il aimerait avoir ne serait-ce qu'un grain de hasanet en plus dans ses bonnes actions, et il regrettera grandement ne serait-ce que le poids d'un grain de péché en plus dans ses mauvaises actions. ويعلم إذ ذاك أن مدة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. Donc il saura l'être humain à ce moment-là que son seul bénéfice, la seule chose qu'il a gagnée, c'est les actes qu'il avait faits dans la vie d'ici-bas. Et donc à ce moment-là, toute cause qui pourrait sauver la personne et tout lien sera enlevé, si ce n'est les actions. C'est-à-dire, il n'y a que les actions qui pourront le sauver à ce moment-là. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى أي جُعِلَتْ فِي الْبِرَازِ ظَاهِرَةً لِكُلِّ أَحَدٍ قَدْ بَرِزَتْ لِأَهْلِهَا وَاسْتَعَدَّتْ لِأَخْذِهِمْ مُنْتَظِرَةً لِأَمْرِ رَبِّهَا. C'est-à-dire, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, et que الجحيم, donc l'enfer sera exposé pour celui qui voit. C'est-à-dire, elle sera exposée à toute personne et pour ceux qui y sont destinés, et elle est préparée à les prendre, et elle attend l'ordre de son Seigneur. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Donc là maintenant, Allah Azza wa Jalla nous montre les catégories de personnes. فَأَمَّا مَنْ طَغَى أي جَاوَزَ الْحَدِّ بِأَنْ تَجَرَّأَ عَلَى الْمَعَاصِ الْكِبَارِ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مَا حَدَّهُ اللَّهِ. Donc فَأَمَّا مَنْ طَغَى, donc celui qui sait, qui a transgressé, c'est-à-dire il a accompli les grands péchés, les grandes désobéissances, et aussi il ne s'est pas suffi de ce qu'Allah a limité. Donc ça peut être aussi dans la religion, c'est-à-dire dans le fait de dépasser la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en y rajoutant ou en voulant en faire plus. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Donc فَأَمَّا مَنْ تَرَى, c'est-à-dire quant à celui qui a transgressé. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يعني على الآخرة فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة وترك العمل بها العمل لها عفوا. Donc il a dit, et qui est celui qui a préféré al-hayat al-dunya, la vie la plus proche, c'est-à-dire il l'a préféré sur la vie future, et à tel point que tous ses efforts et tous ses actes, ils n'étaient que pour cette vie-là et pour la part et les passions de cette vie-là, c'est-à-dire tous ses agissements n'étaient que dirigés vers le fait d'acquérir dans cette vie d'ici-bas, d'acquérir des biens, d'acquérir des passions, d'acquérir les choses qu'on désire. Et il a oublié le fait d'agir pour la vie future. فإن الجحيم هي المأوى يعني له أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. Donc le résultat, فإن الجحيم هي المأوى. Donc l'enfer, الجحيم, donc c'est un des noms de l'enfer, ça sera son مأوى, c'est-à-dire ça sera son refuge, l'endroit vers lequel il... مأوى c'est l'endroit où, vers lequel tu pars pour te réfugier. Donc celui-là, ça sera l'enfer, son refuge, c'est-à-dire c'est là l'endroit où il restera pour celui qui est dans cette situation. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى يعني وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ أي خَافَ الْقِيَامَ عَلَيْهِ وَمُجَازَاتَهُ بِالْعَدْلِ فَأَثَّرَ هَذَا الْخَوْفُ فِي قَلْبِهِ. Donc il a dit, quant à celui qui a craint مَقَامَ رَبِّهِ, la place entre guillemets de son Seigneur, c'est-à-dire il craint d'être ressuscité devant Allah et la récompense juste d'Allah. Donc cette crainte, elle a eu un effet dans son cœur. Et elle a eu un effet dans son cœur. فَنَهَى نَفْسَهُ عَنْ هَوَاهَا الَّذِي يُقَيِّدُهَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَصَارَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَجَاهَدَ الْهَوَى وَالشَّهْوَةَ الصَّدَّيْنِ عَنِ الْخَيْرِ. Donc celui-là, cette crainte a eu un effet dans son cœur. Donc il a combattu son âme. Cette âme qui ne cherche qu'à l'amener vers les désirs de la vie d'ici-bas et qui la détourne de l'obéissance d'Allah. Donc il l'a combattu au point où même sa passion elle est devenue, elle suit ce par quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il aime et il est poussé à faire ce qui est conforme à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a combattu ses passions et ses désirs qui sont les choses qui empêchent au bien. ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي يسألك المتنتعون المكذبون بالبعث عن الساعة يعني متى وقوعها أيان مرساها فأجابهم الله بقوله فيما أنت من ذكراها أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها فليس تحت ذلك نتيجة ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية بل المصلحة في خفائه عليهم طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال إلى ربك منتهاها أي إليه ينتهي علمها كما قال في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc ici les versets dans les derniers versets, quand il est dit, il te demande à propos de l'heure, quand est-ce qu'elle doit arriver? فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. C'est-à-dire ici il a expliqué le cher ces versets en disant, ceux qui ne croient pas à la résurrection demandent à propos d'elle et Allah leur a répondu. C'est-à-dire, quel est le bénéfice pour toi et pour eux de connaître l'arrivée du jour du jugement et quand est-ce qu'elle va venir? C'est de connaître plutôt le moment où va arriver le jour du jugement. Quel est le résultat? Et comme le bien n'est pas dans le fait que les êtres humains connaissent le moment du jour du jugement, mais plutôt leur bien, il est dans le fait qu'ils l'ignorent, notamment pour qu'ils s'y préparent. Alors Allah l'a caché. Et c'est réservé cette science. Donc il a dit ila rabbika muntahaha, c'est-à-dire ce qu'on peut en savoir ou tout ce qu'on peut en savoir n'est qu'à Allah azza wa jalla. Ce n'est qu'Allah qui connaît le moment précis de l'heure. Donc ça, après il a cité d'autres versets pour appuyer ça. Innama anta mundiru man yakhshaha ay innama nadaratuka naf'uha liman yakhsha maji' as-sa'a wa yakhafu al-wuquf bayna yaday فهم الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها. Donc ensuite il a dit innama anta munziru man yakhshaha, tu ne fais que prévenir celui qui la craint, c'est-à-dire celui qui craint l'heure. Donc il dit, c'est-à-dire tes avertissements ne sont que pour celui qui craint la venue de l'heure et qui craint d'être ressuscité devant Allah azza wa jalla. Donc c'est eux qui n'apportent que le fait de se préparer pour cette heure et d'agir pour elle. C'est-à-dire contrairement à ces mécréants, ceux-là, même le fait que tu les avertisses, ça ne leur est pas utile. وَمَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا فَلَا يُبَالِ بِهِ وَلَا فَلَا تُبَالِ بِهِ وَلَا بِتَنَعُتِهِ لأنه تعنت مبني على العناد والتكذيب وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا ينزه الحكيم عنه والحمد لله رب العالمين. Donc il dit, quant à celui qui ne croit pas à l'heure, alors ne fait pas attention à lui et ne fait pas attention au détail, c'est-à-dire al-ta'annut, c'est-à-dire il cherche la petite bête entre guillemets. Donc ne fait pas attention à ça parce qu'il fait ça parce qu'il mécroit justement et parce qu'il refuse d'y croire. Donc celui qui est arrivé à ce stade-là, le fait de lui répondre n'a aucun bénéfice. Et la personne sage est loin du fait de répondre à ce genre de personne. Donc c'est pour ça, puisque dans la sourate, ceux qui demandent, ce sont les mécréants. Donc c'est pour ça, Allah Azza wa Jalla lui dit ne fais pas attention à eux. Parce que de toute façon, ceux qui arrivent à ce stade-là, ça ne sert à rien de les avertir. Donc là, il a fini avec le tafsir de cette sourate, comme ça. La semaine prochaine, on fait Abasa wa Tawalla. Donc cette fois-ci, préparez-vous, comme ça. C'est vous qui lirez, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.